Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Derrière le micro, j'ai Nebu avec moi. Et bonsoir, bonjour, ou bon matin, peu importe à quelle heure vous nous écoutez. Je suis content de vous retrouver. Et j'ai également Dorothy aka Baptiste. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, c'est officiellement la dernière de l'année et du coup, on va terminer cette série de bilans avec un grand bilan pop culture. On va parler de séries, films et jeux vidéo. Attends, moi j'ai une question d'abord. C'est vraiment la dernière de l'année ? Non, après, on va faire quelque chose, mais c'est une surprise. D'accord, ok. Un peu de teasing, ça fait toujours plaisir. Donc, on va commencer par les séries télé. Alors, globalement, est-ce que vous avez vu de nouvelles séries en 2020 et comment avez-vous trouvé cette année 2020 qui a été complètement bouleversée par le Covid ? Bah, vas-y, je te laisse commencer, Baptiste. Pour moi, quand même, malgré l'événement Covid, ce fut quand même une bonne année niveau série. Si j'ai fait ma petite rétrospective. J'ai trouvé quand même des belles petites choses cette année. C'est-à-dire ? Et toi, les buts ? Ah, mais non, mais justement, après que la dernière fois je m'étais fait avoir, j'avais détaillé. Là, je veux dire que cette année, j'ai les séries qui sont sorties en 2020. J'en ai raté quelques-unes qui m'ont vraiment fait vraiment plu. Et pareil, les suites de séries que j'avais déjà commencées. C'est vraiment excellent. J'en parlerai un peu plus tard. Tu veux que j'en parle maintenant ou après ? Bon, bah après. Nebu, du coup, et ton côté ? Bah, de toute façon, oui, on va pas se mentir, 2020 ça a été vraiment chelou, mais je trouve que niveau série ça a été une bonne année, dans le sens où bah, on a eu vachement le temps de binge-watcher comme des gros, des séries qu'on avait en retard, des séries classiques qu'on n'avait jamais vues et quelques nouveautés. Il y en a eu énormément, mais toutes n'étaient pas très bonnes, hein. Mais il y a quelques perles, hein, quelques joyaux. Quand même, donc je pense qu'à Baptiste, on va se rejoindre sur quelques-unes quand il sera l'heure d'exposer, quand tu nous diras quand il faut exposer. Alors, avant d'exposer, moi je vais vous avouer, j'ai lâché les séries télé depuis un petit moment. J'en regarde, mais c'est surtout parce que j'ai énormément de retard. J'ai rattrapé The Boys, par exemple, mais voilà, à part du Star Trek, je n'ai rien vu de série qui est vraiment sortie en 2020. Donc, je vous laisse commencer à détailler. Allez, vas-y, Baptiste, honneur au plus jeune. Au plus jeune, très bien. Moi, j'ai commencé l'année avec une petite surprise en niveau série en 3 épisodes, Dracula. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nebu. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler, autant en bien qu'en mal. Ben voilà, j'allais dire, c'est soit là on accroche totalement, soit on n'aime pas du tout. C'est une mini-série de 3 épisodes, avec chacun qui font 1h30, où on suit du coup les aventures de Dracula, mais du coup très inspiré des premiers films sur le jeu de couleurs et des romans. Du coup, c'est quelque chose de franchement très intéressant, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Ce fut une belle petite surprise en 3 épisodes en plus, donc ça se mate très facilement. Ok. Voilà. Après, alors, pour étayer légèrement sur Dracula, alors, c'est une coproduction Netflix-BBC et je crois que au niveau de la série, c'est Russell T. Davis qui s'y est mis et c'est la personne qui a redonné vie, on va dire, à Doctor Who. D'accord, ok. Ouais, c'est juste pour les gens ouais. Étayer. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'est que... Bon, enfin, on ne va pas passer 15 ans sur chaque série, mais que ça partait un peu trop en live ouais. Sur les épisodes suivants. Quoi. Ouais, bah, le premier épisode est vraiment, vraiment bien. Le 2 est tout aussi bien. C'est juste le 3 qui est pour moi un petit peu déception, mais il aura fait un truc pas mal. Mais ouais, le final est pour moi un peu raté. Mais les deux premiers épisodes sont vraiment hyper intéressants. Ok. Et après, sinon, en nouvelle série que j'ai maté, en série française, récemment, j'ai maté La Flamme, qui est sortie sur Canal+. Ah, si, ah, je l'ai vu ça. Ouais, voilà. Donc, c'est inspiré de The Burning Flame, je crois. En, une forme de Bachelor, quoi. En ouais, ouais, ouais, mais c'est une adaptation d'une série américaine. Oui, voilà, ouais. C'est, en gros, c'est la version française de la série américaine. Avec, du coup, Jonathan Cohen dans le rôle principal. Et ça se mate plutôt bien. Il y a 9 épisodes de mémoire. de 25 minutes chacun. C'est vraiment, enfin, on pose le cerveau et on rigole, quoi. Vraiment, c'est pas prise de tête, c'est détente, quoi. C'est un peu lourd à certains moments, mais il faut se dire que c'est du second degré et ça fait du bien, quoi, de voir des gens qui se foutent un peu de la télé-réalité, quoi. Je sais pas si vous avez vu, vous. Enfin, Geoffrey, tu as vu, tu as bien aimé. Ah, j'ai adhéré, j'ai bien kiffé. Et ton début ? Non, j'ai pas regardé. Je sais qu'il faut que je regarde, mais je n'ai pas regardé. Et après, ouais, du coup, ben là, je suis en train de mater la série Netflix Alice in Borderland. En live action, qui pour moi, une belle surprise. Bon, c'est un bon live action. D'accord, il va falloir que je regarde, ouais. Très fidèle, enfin, c'est fidèle au manga, c'est pas fidèle à 100%. Ils ont fait quelques, on va dire, facilités scénaristiques avec moins de spin-off pour faire moins d'épisodes. Mais ça se laisse très très bien regarder pour ceux qui ont aimé le manga ou qui aimeraient le découvrir. Okay. Et après, sinon, j'ai commencé à mater Le jeu de la dame et Barbare, mais j'ai maté que le premier épisode. Pour l'instant, okay. C'est une bonne surprise. Et des saisons 2 de séries que je regarde actuellement, comme The Boy. Parlais tout à l'heure, Geoffrey, qui est pour moi la série que j'attendais le plus de l'année, quoi, la suite. Voilà. Mm-hmm. Alors moi j'ai une liste un peu plus longue, hein, donc je sais pas si, si on va se lancer là-dedans. Bah, vas-y, parce que j'ai bouffé énormément de séries, moi, pour le coup, cette année, mais alors vraiment beaucoup. Je sais même pas par quoi commencer. Tu parlais de Star Trek. Attends, non, mais laisse-les-moi, s'il te plaît. Il y a que ça que j'ai vu. Ouais, s'il te plaît. Je te les laisse, les Star Trek. Alors, on en discutera. Pour une série d'un univers qui me touche tout particulièrement, c'est-à-dire le monde du jeu vidéo, sur Apple TV, il y a eu une série qui s'appelle Mythic Quest, le festin du corbeau. C'est une série, en fait, mini-série. Il doit y avoir, je crois, de mémoire, il y a 9 épisodes. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un studio de développement, d'un gros studio de développement de AAA, qui sort une extension, une nouvelle extension de son MMO phare qui s'appelle donc Le Festin du Corbeau, l'extension. Et le jeu, c'est Mythic Quest. Et le développeur est complètement déjanté. Tout le monde, c'est un peu The Office. Mais dans un studio de développement un peu comme serait Ubisoft. C'est une comédie, hein, c'est très très très drôle. Il y a un épisode qui du coup n'est pas vraiment comédie, enfin qui l'est un petit peu, mais qui est ultra touchant, qui est magnifique. Ceux qui l'ont vu savent de quel épisode je parle. Je crois que c'est l'épisode 3 ou 4 qui raconte l'histoire d'un couple qui va monter à un studio dans les années 80. Et c'est ultra touchant, j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille Mythic Quest, ça se trouve sur Apple TV ou en torrent, hein, si vous êtes des pirates. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre cette année ? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Donc tu as parlé vite fait du jeu de la dame. Pour moi, le jeu de la dame, c'est une des meilleures séries cette année, largement. À la fois par son ambiance, à la fois par son histoire et à la fois, putain, par son esthétique. Cette série, elle est magnifique. C'est un truc de fou. Ça raconte l'histoire fictive, donc, hein, parce que ce n'est pas un biopic, pour changer, parce que moi, les biopics, j'en ai plein le cul. Ça raconte l'histoire donc d'une fille, hein, dans les années 60, qui va se prendre une passion pour les jeux d'échecs et qui va vouloir devenir la meilleure joueuse d'échecs devant tous les autres joueurs d'échecs dans cet univers ultra masculin. Donc ça paraît gnangnang comme ça, mais l'actrice est merveilleuse et la mise en scène est magnifique. Tous les plans, chaque plan, on pourrait faire un cours dessus sur quasiment tous les plans de la série. Et c'est bienveillant. Ça, putain, je sais pas si toi ça t'a fait pareil, Baptiste, mais c'est bienveillant. Il n'y a pas de... Comment dire, il y a pas de malaise. Enfin, tu vois, elle est pas bien, l'héroïne. Elle est vraiment, elle sombre dans l'alcool, les cachons et tout ça. Mais les gens autour d'elle sont plutôt bienveillants et ça fait vraiment du bien. Surtout cette année, ça a vraiment fait du bien. Ben, j'ai pas fini. J'ai maté que le premier épisode. Ah d'accord. Ok. Pour ça. Donc voilà. Bon, ben, pour moi, une des séries de l'année. Une autre série, alors un peu chelou, qui est sortie là il n'y a pas très longtemps et qui va sortir sur OCS. J'ai cru voir des affiches dans Toulouse. C'est Raised by the Wolf. Comment décrire cette série ? C'est de la SF, où en gros, c'est, on va dire, deux androïdes qui vont élever des enfants sur une planète complètement désolée pour rebâtir une sorte d'humanité. C'est assez psyché. C'est... En fait, je ne saurais pas trop le décrire, mais c'est vraiment bien. Et dedans, il y a Ragnar Lodbrok qui joue dedans. Travis Fimmel. J'ai beaucoup aimé cette série. Esthétiquement, c'est cool. Et alors, attends, j'essaye de retrouver parce que j'ai la mémoire qui flanche. Mais c'est créé... c'est produit par Ridley Scott. Ouais, Ridley Scott, ouais. Ouais, c'est produit par Ridley Scott et on le sent parce qu'il y a des petits côtés un peu métaphysiques. On sent qu'il est encore dans son truc religieux et métaphysique. Raised by the Wolf, vraiment cool. Hein, franchement, J'avais vu la bande-annonce, moi, j'attendais qu'elle sorte et je ne pensais pas qu'elle était déjà sortie. Elle est déjà sortie, moi j'ai tout vu. Alors pareil, c'était sur HBO, je crois. Non, attends, que je ne dise pas de bêtises. HBO Max, ouais. Ouais, HBO et ça va sortir sur OCS. J'ai vu les pubs sur les bus là à Toulouse. Ça a vraiment l'air cool. Hein. J'ai vu la bande annonce. Il faut s'accrocher. En vrai, tu vas pas regarder ça le soir à minuit parce que waouh, ça va. Enfin, tu vas waouh. Ça va. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Dans l'esprit, le jeu de la dame, il y a une autre série qui est sortie au début de l'année sur Netflix que j'ai beaucoup aimé. Il y a que 6 épisodes, c'est Unorthodox. Vraiment cool. C'est une série qui raconte l'histoire d'une jeune juive orthodoxe forcée par le mariage et qui choisit quitter New York pour aller vivre la vie et la liberté et découvrir la vie à Berlin. C'est contemporain, ça se passe de nos jours. Et en même temps, on suit son mari qui essaye de la retrouver. Et c'est ultra touchant, vraiment, vraiment ultra touchant. Très belle série. Je vous conseille Unorthodox sur Netflix. Très, très court, plutôt cool. Qu'est-ce que je rajoute à la liste? On en a pas mal déjà. Hein. Tales from the Loop. Série un peu SF. Alors, je l'attendais énormément cette série parce que Tales from the Loop à la base c'est des affiches, c'est des travail visuel, des arts en fait, design d'un illustrateur qui sont vraiment très beaux et qui représentent des paysages un peu années 80 dans lesquels sont intégrés une technologie un peu particulière et en a découlé un jeu de rôle papier. Vraiment cool, qui je joue en ce moment, je fais une campagne dessus masterisée par une des super geekettes. Ah ben bravo, fais-leur la pub pendant qu'on y est. Bah non, mais bon, je le dis, hein, je teste le jeu de rôle, j'y joue. Il est vraiment cool, et donc j'attendais énormément cette série, parce que les dessins montrent une ambiance de ouf, et c'était bien, mais c'était pas ouf. Enfin, c'était pas à la hauteur de mes attentes, sans être nul non plus. Normalement c'est un peu à la Stranger Things, ça devait tourner un peu plus autour des enfants. Je trouve que là ça tournait un peu trop sur les adultes et les adolescents, pas vraiment de technologie, plus de la métaphysique. Enfin voilà, j'ai pas trouvé ça nul, mais j'ai pas été non plus méga convaincu par cette série que j'attendais pourtant vraiment énormément, quoi. Vraiment énormément. Alors, je pense que j'oublie encore des séries. Ah si, j'ai regardé Cursed aussi. Une espèce de reprise encore de la légende du roi Arthur avec la fille de 30 Reasons Why qui joue... en fait, j'ai pas tout compris à cette série. C'est assez teen, hein, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de sang, même si ça reste teen. Des triangles amoureux, en veux-tu, en voilà. C'est sympa, ça fait le taf. Ça restera pas dans les annales, mais ça fait le taf. Il y a du Merlin, il y a du Arthur, qui est black, hein, parce qu'on est sur Netflix. Voilà. Alors, Curse, je te coupe, on aurait pu en parler dans les comics parce que c'est écrit par Frank Miller. D'accord. Bon, alors Frank Miller, vu que ça te donne rien comme ça, c'est celui-là qui a écrit 300, c'est celui-là qui a fait Sin City, Dark Knight Returns, et etc. etc. Oui, oui, non, si, si, je suis un culte de comics, mais quand même pas à ce point-là. Ah, bah, je sais pas. Alors attendez, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Alors j'ai vu aussi Barbare, série allemande, j'adore les Romains, série allemande plutôt cool. Plutôt bien foutu. Tu m'as dit que tu avais vu que le premier épisode. Moi, j'ai tout vu. Il y a du sang, il y a de la romanerie, enfin, non, c'est de la barbarie. Enfin, c'est cool. Franchement, c'est plutôt. Ça t'a pas bien. Ouais, pareil, la bande annonce, vous avez... Vu que j'ai maté aussi la saison 3 de Dark, du coup, ouais. Je me suis dit, putain, les Allemands, ils font des bonnes séries. Et du coup, dès que c'est sorti, j'avais maté le premier épisode et je m'étais un petit peu arrêté parce que. On travaille trop sur ce podcast, j'avais trop de trucs à préparer. Ouais. Je rajoute à la liste Lock and Key, toujours sur Netflix, adaptation d'un comics. J'en profite que Nico soit pas là pour en parler parce qu'il a pas du tout aimé la série vu qu'il est méga fan du comics. Mais la série Lock and Key était quand même assez efficace, en vrai. Pour moi qui ne connais pas le comics, je sais pas ce que t'en penses toi, Jeff. Je l'ai pas vu. Ah, bon, d'accord. Donc voilà, Lock and Key, un truc suédois pour rester dans l'univers un petit peu, comment dire, on va dire dieu scandinave, Ragnarok, plutôt pas mal. C'est très teen, mais du coup, c'est teen en Norvège, donc c'est plutôt un endroit qu'on ne connaît pas trop. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y en a vraiment beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. Ah, si, une dernière, une comédie que j'ai adorée. Space Force avec. J'allais en parler. Ah bon, d'accord, je te la laisse, tu en reparleras. Mais alors, du coup, je suis sûr que tu n'allais pas parler de Away avec Hilary Swank. Non, ça, j'allais pas. Et donc, bon, alors, dommage, il n'y aura pas de deuxième saison, mais en gros, ça racontait l'histoire d'un équipage qui partait pour Mars. Et donc, il y avait le point de vue à la fois de ceux qui sont restés sur Terre et de eux qui sont loin de leur famille et avec qui. Ils ont des contacts très décalés. Voilà. Il y a vraiment une autre chier de série que j'ai vue. J'en ai vraiment vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, c'est une, on va dire, une liste non exhaustive que je vous balance là à regarder. Voilà, à toi, Jack. Alors, déjà, je vais apporter une précision. Dracula, c'est Steven Moffat en tant que créateur. Et oui, il avait bien travaillé sur Doctor Who. Mais bon, je préférais... Doctor Who et surtout les Sherlock Holmes. Et c'est ce que j'allais dire également. Et il a également travaillé sur Sherlock. Alors, moi, aux séries, j'en ai vu beaucoup moins. J'en ai commencé quelques-unes que j'ai absolument pas absolument pas kiffé. Je peux citer pour commencer Avenue 5, qui est une série de space op humoristique qui est sortie sur HBO avec Hugh Laurie. Alors je me suis vite fait arrêter au deuxième épisode. Hein. Alors pourtant c'est un format court, 20 ou 30 minutes l'épisode, mais j'ai vraiment pas adhéré au principe du voyage inaugural d'un vaisseau qui est en perdition et que le capitaine est incapable. Donc, je n'ai pas adhéré, je passe à autre chose. À moins, tu as quelque chose à dire dessus ou pas, début? Alors, écoute, j'étais curieux de cette série et en fait, moi par contre, je n'ai pas passé le stade du visionnage puisque je me suis arrêté aux critiques qui disaient que, bon, en fait, passez votre tour. Ouais, voilà, tu vois, je ferai peut-être de l'effort un jour. Alors, sur Prime Video, en même temps, était sortie une série documentaire avec James May, qui est l'un des présentateurs historiques de... comment ça s'appelle déjà, de Top Gear en Angleterre. Bon, il est parti de lui-même après le limogeage de son collègue et là on le retrouve sur une série de je crois que c'est 6 épisodes où il part au Japon, où il visite tout le Japon. Donc ça permet de voir une petite série documentaire assez sympathique et autrement, je crois que ça fait 30 à 45 minutes l'épisode, ça vaut le coup. Ok. Alors, après, donc, j'ai vu l'Avenue 5, j'ai vu Space Force, pardon, avec, ce que tu voulais en parler, Nebu, donc avec, Steve Carell. Steve Carell. Un de mes acteurs préférés. Et j'ai grave kiffé la série. Franchement, c'était... Elle m'a bien fait rigoler et tout. Il me tarde la saison 2. J'ai pas juste grave kiffé, mais j'ai vraiment adoré parce que, en fait... En fait, le problème, c'est que je m'attendais vraiment à un The Office, et c'est vrai que c'est The Office, mais un petit peu plus sérieux quand même. Mais qu'est-ce que... Oui, j'ai quand même... Tu rigoles vraiment beaucoup. Avec Carell et Malkovich, t'as vraiment moyen de Malkovich énormément. Malkovich est génial dans cette série, ouais. Donc, non, pareil, la femme qui est jouée par Lisa Kudrow, donc l'ancienne de Friends, qui pète littéralement un câble et tout. Non, franchement, j'ai d'excellents souvenirs avec cette série, mais tard de la saison 2. Je suis d'accord avec toi. Et après, bah écoute, on va pouvoir attaquer le cœur du sujet, les Star Trek. On a eu deux nouvelles séries. Alors, la première, ça a été Star Trek Picard, qui est la suite de The Next Generation, qui est sortie en mars, si je ne dis pas de bêtises. C'était très compliqué pour l'acteur de revenir. Il n'avait pas repris le costume depuis 10-15 ans. Donc voilà. Après, Patrick Stewart reste un acteur incroyable. Et de le voir reprendre son personnage au bout de 15 ans et de voir le personnage comme il a vieilli, personnellement, j'ai bien kiffé. On n'a pas vraiment besoin de prérequis pour avoir... Pour voir cette série, même si un petit prérequis ne ferait pas de mal, mais voilà. Alors, la saison 2 a été annoncée et commence la tournée début d'année ou fin de cette année. Enfin, fin de cette année, c'est peut-être un peu trop tard. Donc, début d'année prochaine, et ils ont infiltré sur la série, donc on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Toi, tu l'avais vu ni au début. Attends, Rodi, laquelle? Star Trek Picard. Oui, Star Trek Picard, oui. Alors, j'ai vraiment regardé, j'ai adoré parce que esthétiquement, c'est magnifique. C'est super beau. Par contre, je n'avais pas vu les Next Generation. J'avais vu quelques films, notamment Nemesis, qui était le dernier, du coup. Je pense que si t'as pas vu les anciens ou si t'es pas bercé là-dedans, il y a pas mal de trucs à côté desquels tu passes. Mais même sans le connaître, c'est quand même une série agréable à regarder. Vraiment, j'ai bien aimé aussi. C'était plutôt cool. Ouais, c'est vrai que quand tu vois l'apparition d'anciens personnages comme Riker, tu peux te dire qui c'est. Mais bon, au final, il te l'explique succinctement et tu dis bon, pourquoi pas, on s'en fout. Après tout, c'est un amiral à la retraite, donc il a vu des choses. Donc voilà. C'est pas plus choquant que ça. Merde, je vais me faire taper par les fans de Star Trek quand même là-dessus. Bon, c'est pas grave, j'assume. Et on a eu une deuxième série qui s'appelle Star Trek Lower Deck, qui est une série animée un peu à la Rick et Morty, à la sauce Star Trek. La saison est sortie complètement aux États-Unis. Elle n'est pas sortie en France. Elle va sortir en France. Elle va sortir au début janvier sur Prime. 22 janvier. Ouais. Ah, fin janvier alors, ouais, ok. Sur Prime Video. Et. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, j'ai kiffé la série. D'accord. Moi, j'ai pas regardé. Donc, j'ai vraiment adoré la série. C'est quelque chose... il faut, quand on est puriste de Star Trek, on peut avoir du mal, mais il faut se dire, bon, c'est une série humoristique. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, eh ben, on ne peut que profiter, rigoler. Il y a pas mal de clins d'œil. Mais pareil, si on n'a pas vu toutes les séries, ça passe facilement. Et un bon point d'entrée dans l'univers Star Trek, ça se passe juste après Star Trek Nemesis. Et voilà, c'est vraiment un bon kiff. Et c'est vraiment celui-là qui reprend le plus de codes de Star Trek avec des épisodes, par exemple, en standalone. Chose qu'il n'y avait quasiment plus depuis Discovery. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a, on a tous dit, hein, mais c'est une bonne année 2020. Vite fait, pour parler de 2021, vous la sentez encore meilleure ou pas? Écoute, je pense qu'on en parlera sur le prochain... sur le hors-série, le podcast hors-série prochainement. Mais il y a pas mal de séries que moi j'attends l'année prochaine. Et hors la grosse licence... dont il y a eu plein d'annonces. J'attends. Alors, c'est pas encore 2021, mais j'attends quand même la nouvelle saison de Sabrina. J'attends la nouvelle saison de Stranger Things aussi, qui devrait arriver normalement bientôt. Ouais, moi, en nouvelle série, j'ai pas trop regardé ce qu'elle allait se faire en 2021, mais il y a plein de séries que je suis, que j'attends avec impatience la suite. Voilà. The Witcher, The Boy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Last Man, enfin la saison 2 qui va bientôt sortir, que j'attends vraiment, vraiment avec impatience. Donc ouais, je pense que ça va quand même être une bonne année. Alors, on verra, on ne sait jamais. Et toi, Geoffrey ? Alors, moi, oui, j'attends énormément pour pas mal de choses. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, on devrait avoir... Du côté de chez Marvel, WandaVision qui commence le 15 janvier. Dès que c'est terminé, la semaine d'après, c'est le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et dès que ça c'est terminé, c'est Loki qui enchaîne. Et peut-être après, juste après, What If pour l'été 2021. Et en fin 2021, apparemment, il y aurait Miss Marvel, Hawkeye de prévu. Donc non, honnêtement, là-dessus, je kiffe pas mal du tout. Donc ça, c'est uniquement pour Marvel. Pour Star Wars, on en reviendra plus tard, beaucoup plus tard. Sinon, on n'est pas prêt d'aller dormir. Et voilà. Et pareil, ils ont annoncé donc pas mal de suites. Donc, Witcher & Company, vous avez cité. Et on devrait avoir également Justice League qui devrait arriver en sérialisé sur la plateforme HBO Max qui devrait arriver à partir de mai ou mars, je crois qu'ils ont annoncé. La série du Seigneur des Anneaux aussi. Hein, 2022. Ouais, bon, enfin voilà. Donc, je pense que on en reparlera au fur et à mesure, mais ouais, il y aura plein de trucs encore en 2021. Et du coup, là, on va passer à quelque chose d'extraordinaire, les films. Et je pense que ça a été une vraie purge pour 2020. Qu'est-ce que vous en pensez, les fans du cinéma ? Ouais, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a quelques bons films à noter, mais je checkais la liste. La liste était courte, quoi. Ouais, pareil. Moi, je suis bon. Faut savoir que je vais au cinéma presque une fois par semaine, et je peux te dire que le confinement a fait vraiment mal. Hein, la fermeture des cinémas a fait vraiment mal. Du coup, je me suis rabattu sur les plateformes. J'ai quand même vu pas mal de films cette année au cinéma, moins que ce que je pensais, ce que j'aurais voulu, mais voilà. Vite fait, dans les news, les reports de tous les gros blockbusters, c'est chiant. Mais du coup, ça veut dire qu'on va passer encore plus de temps dans les cinés l'année prochaine, donc pourquoi pas. Mais j'ai quand même eu quelques petites pépites cette année, il y a quand même eu des films que j'ai bien kiffé. Eh bien, allez-y, détaillez. Moi, je suis quasiment pas allé au ciné de 2020. Je crois que la seule fois que j'y suis allé, c'était pour My Hero Academia. Après, j'ai dû voir zéro film. Nébus, tu laisses commencer, vu que j'ai commencé peut-être à tout à l'heure. Ok. Bon, alors moi, j'ai vu pas mal de films, comme j'ai dit. Je vais faire... Enfin, c'est pas un classement. Hein, je vais vous le dire comme ils me viennent à l'esprit. Le gros film de l'année que moi j'attendais, hormis tous ceux qui ont été reportés, c'était Tenet de Nolan. Ça fait le taf. C'est du Nolan. C'est faire un film autour d'un concept et débrouillez-vous avec ça. Et j'ai adoré. C'est esthétiquement bon. En termes d'acting, c'est toujours très bon. Donc là, pour moi, efficace. Malheureusement, il a comme beaucoup de films de Nolan, il n'a pas été compris et le bouche à oreille a moins bien marché sur celui-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au tout début de l'année, je suis allé voir un film qui m'a bien plu. C'est un bon film d'horreur que je vous conseille, entre Alien et Abyss, c'était Underwater, avec Vincent Cassel et Kristen Stewart. Un petit côté Cthulhu aussi, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était un kiff vraiment trop bien. Un bon film d'action, bon film d'horreur. On est à 10 000 mètres de profondeur. Les décors sont géniaux, enfin voilà, tout est, les costumes sont parfaits, tout était super efficace. Sur le même mois, il y a eu 1917 qui est sorti, un film magnifique, vraiment magnifique. Je sais pas si tu l'as vu, Baptiste, du coup. Non, je l'ai pas vu, j'avais prévu d'aller voir, mais ça n'a pas été fait. Il est magnifique, magnifique. C'est un film, alors il est tourné en plan séquence, enfin il est monté en plan séquence, mais pas tourné en plan séquence, ouais, c'est du faux plan. Voilà. C'est impressionnant, c'est magnifique. C'est sur, donc, bah, comme son nom l'indique, un épisode de la guerre. C'est sur une journée, on suit les bonhommes sur une journée avec une ellipse au milieu. C'était un film parfait, enfin, un des films de l'année pour moi, vraiment. J'ai vraiment adoré. Donc, 1917, que je vous conseille. Du coup, on reste dans une période sombre de l'histoire avec un autre film de Taika Waititi, cette fois-ci, c'est Jojo Rabbit. J'ai adoré Jojo Rabbit, c'est génial. Taika Waititi, pardon, c'est le réalisateur de Thor 3 et le 4 à venir. Ce Jojo Rabbit, hein, le pitch comme ça, en gros, ça raconte l'histoire d'un gamin. Pendant la guerre, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il fait partie des jeunesses hitlériennes et son ami imaginaire, bah, c'est rien d'autre que Hitler en fait, qui fait sa conscience, enfin son ami imaginaire quoi. Et on vit avec ce gamin qui découvre que sa mère planque une fille juive dans son grenier. Et voilà. Et c'est ultra touchant. Ce film est magnifique. Il est drôle aussi sur un sujet qui est vraiment très lourd. Il y a Scarlett Johansson qui joue la maman, qui est juste merveilleuse. Je vous conseille énormément ce film. Je pense qu'avec 1917, c'est un de mes films marquants de cette année 2020. Jojo Rabbit. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Bon, j'ai vu Sonic, hein. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bah, peut-être toi tu t'attarderas un petit peu plus dessus. Ouais, plus tard, c'est un film pour les enfants, vraiment. Moi j'y suis allé avec mon filleul de 7 ans. Le fait que j'y sois allé avec le filleul de 7 ans, bah, j'ai trouvé ça cool, efficace. Et effectivement, si moi à l'époque de mes 10 ans, il y avait, ou enfin 5-10 ans, il y avait un film comme ça, j'aurais vraiment adoré. Bon, j'ai peut-être un petit peu passé l'âge. Ça m'a pas vraiment transcendé. Qu'est-ce que je suis allé voir encore cette année ? Je regarde la liste en même temps. Ah, une purge dont on avait déjà parlé plus tôt dans les podcasts moment des confinements, c'était Bird of Prey. Ah. Voilà, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Hein. Le truc avec Harley Quinn, insupportable. Il y a pas mal d'autres films qui sont sortis cette année, mais que je n'ai pas vus. Que j'ai mis sur ma liste, notamment le dernier de Chadwick Boseman, là, Manhattan Lockdown, qui paraît-il est très très bon. Il y a un film, alors une fois n'est pas le coutume, j'ai dit que je m'étais rabattu sur les plateformes. Il y a un film qui est sorti sur, alors c'est Apple TV avec Tom Hanks, c'est Greyhound, et c'était génial. Vraiment génial. On est toujours encore un film historique sur la Seconde Guerre mondiale. Ça raconte l'histoire d'un commandant de bateau en fait, qui d'un bateau de guerre américain, qui va pour escorter un convoi de ravitaillement d'une trentaine de bateaux civils vers l'Angleterre. Et en fait, ils sont pourchassés par des U-boats. Et le film, il est t'es en haleine, t'es en apnée littéralement pendant tout le film. Parce que tu vis la traque avec Tom Hanks, avec ses bateaux, et c'était vraiment, vraiment super cool. Ça, je vous le conseille, hein, Greyhound, et ça, c'est sur Apple TV. Voilà, je pense que... on va mentionner quand même sur Netflix All Guards, avec Charlize Theron. Bon film d'action, efficace, hein, il se regarde. en vrai, il se regarde. Si vous l'avez vu passer, je vous conseille de le lancer. C'est plutôt efficace, bon film d'action, des histoires immortelles, des flingues, beaucoup de sang, plutôt cool, plutôt cool. Voilà, voilà, en gros, j'en ai vu plein d'autres, hein, notamment Les Nouveaux Mutants, Peninsula, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est comme les séries, j'en ai vu pas mal cette année. Ben, moi, cette année, j'ai pas vu beaucoup de films, donc je pense que j'ai dû avoir 6 au cinéma. Hein. Il y a encore... C'est déjà pas mal, écoute. Attends, 6, je compte, hein, de... ouais, non, ben, non, je dis n'importe quoi, et 4. Hein. Bon, alors, après, j'ai vu d'autres films, mais ouais, j'ai vu du coup Sonic, comme tu l'as dit, un film pour les enfants, que je suis allé voir avec mon père de 60 ans. En fait, j'avais mon père, il me dit, ouais, je vais venir au cinéma, c'est soit Bird of Prey, soit Sonic. Bon, va pour Sonic. Non, voilà, comme tu l'as dit, c'est un film pour les enfants, mais franchement, ça fait le taf, quoi. Les blagues sont... Enfin, le film passe bien, quoi. C'est vrai que des fois, t'as les trucs, c'est un peu kitsch. Mais bon, voilà, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, revoir Jim Carrey dans un rôle un peu drôle et pour les enfants, ça m'a fait un petit peu... Ça m'a fait plaisir, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Jim Carrey comme ça, ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allé le voir, en grande partie, parce qu'il y a Jim Carrey. Mais c'était cool, quoi. J'ai passé un bon moment. Et puis, en famille, ça fait toujours plaisir. Après, bon, voilà, j'ai vu Tenet, t'en as parlé, bah, pareil, j'ai grave kiffé, film à concept, Nolan, je suis client, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Et après, très belle surprise au cinéma, je pensais que t'allais en parler, j'ai eu peur, parce que c'est vraiment le film, je dis, il faut que tu me le laisses, c'est The Gentleman. Ah oui, c'est vrai. Le dernier film de Guy Ritchie. Je suis allé le voir aussi, ouais, effectivement. Enfin, c'est une claque, ce film, ouais, franchement. Ouais. Si bah, Guy Ritchie, hein, franchement, tu prends une claque à chaque fois, quoi. Bah ouais, voilà, quoi, vraiment, le film, il est monté d'une manière tellement bien quand le mec, enfin, je ne sais pas, mais t'as des scènes qui sont, enfin, j'ai vraiment rigolé, quoi. Il y a des scènes, ouais. C'est de l'humour, mais tu ne le vois pas arriver, et le mec, il te balance une punch, enfin, t'as la salle qui rigole, et après, le film reprend son rythme, et franchement... Alors, c'est pas de cette année, mais je te conseille l'avant-dernier Guy Ritchie, si tu l'as pas vu, c'est Arthur, la légende de Excalibur. Je te le conseille, vraiment. Parce que c'est le mythe arthurien revu par Guy Ritchie, et il y a du snatch dedans, et ça fait plaisir. Ah, mais je savais pas que c'est lui qui l'avait fait, parce que j'ai vu plusieurs fois le film passé, mais je me suis pas attardé, mais il me faisait de l'œil. Je te le conseille, vraiment, vraiment, et tu retrouveras l'esprit gentleman, enfin, tu retrouveras l'esprit Guy Ritchie. Bah, il faudrait que je le vois, parce que du coup, à chaque fois que je voyais l'affiche, j'étais en mode l'affiche ou les bandes annonces ou quoi. Je me disais, il faudrait que je m'attarde un jour pour le mater, et ben ouais, ben là, je suis pas convaincu. Donc, ouais, The Gentleman, vraiment, casting de folie, à voir absolument. Hein. C'est vrai. Après, du coup, ben, j'ai maté Balles perdues, un film français sur Netflix. Enfin, ok. Et qui était vraiment pas mal sur un sort d'un mec qui va dire qu'il bricole des voitures, il fait un braquage, il se retrouve en prison, et du coup t'as la police des drogues en France qui s'appelle la BAC, je crois. Oui, peut-être. Crois, ouais. Et du coup qui l'embauche pour on va dire tuner un peu leur voiture pour qu'ils puissent lutter contre les go-fast. D'accord. Ouais, non, mais vraiment le film, j'ai vu le synopsis, j'étais en mode bois, pourquoi pas. Je n'étais pas trop convaincu, je l'ai maté en famille et franchement, très très belle surprise. Pour un film français, c'est vraiment une bonne claque sur Netflix avec Alban Lenoir, Ramzy Bedia. Franchement, sur Netflix. Et pour finir, un film que je n'aime pas beaucoup, j'ai maté Mulan. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié d'en parler, Mulan. J'ai bien aimé, hein. Ça change du dessin animé, faut le côté un peu kung fu. Abusé avec le ki et tout, ça m'a fait penser un peu à un vieux film, Le Secret des Poignards Volants. Oui. Oh putain, tu dis vieux film, mec, c'était un de mes films de mon adolescence, quoi. Ça me fait tellement mal. T'es vieux. Je viens de dire. Et non, mais franchement, bon, voilà, c'est Mulan comme un dessin animé, l'histoire principale, on va dire. Mais j'ai bien aimé, franchement. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. La polémique qu'il y a eu autour avec Disney+, ça passe bien, franchement. Et c'est tout pour les films, parce que en film de cette année, j'ai vu que ça. D'accord. J'ai maté plein de vieux films. T'as bien fait. Faut se refaire. C'est le bon moment pour se refaire la culture cinématographique. Bon, et toi, Jeff, est-ce que t'as vu des trucs cette année ou pas? Non. Non, d'accord. Bon, au moins, c'est réparé. C'est bon, ben, rubrique suivante, alors. Non, mais après, tu vois, j'ai voulu essayer de me regarder quelques vieux films, hein, comme vous, j'ai envie de vous dire. Mais non, je n'ai pas refait une tonne de films, malheureusement. T'as quand même refait les Star Wars ? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Ça, c'est le pèlerinage annuel. Moi, je les ai refait, là. Et là, je vais commencer Le Seigneur des Anneaux en commençant par le Hobbit, tu vois. Ah, ben, c'est pas mal. Bonne chance. Ouais. Ah, moi, je m'étais refait Star Wars cette année, mais je me suis arrêté au 6. Ah, bon. Bah, écoute, t'as le droit. Non, mais tu vois... On a dit qu'on parlerait pas Star Wars. Oui, non, pas. Non, Star Wars. Sinon, on est mort. Voilà. Du coup, pour l'année 2021, vous l'attendez comment ? Avec impatience, hein, bah, pour pouvoir retourner au cinéma. Carrément. Tous les films qui devaient sortir cette année, bah, ils arrivent l'année prochaine, quoi. Enfin, pour la plupart. Ouais. Ils sont pas sur j'espère, franchement, voilà, j'espère vraiment. Bah là, pour le coup, ça va se bousculer au portillon. Je pense que tout le monde va pas s'en sortir, hein, en vrai, hein, parce que si tout le monde sort les films en même temps, t'as des trucs qui vont écraser tous les autres. Mais pour le coup, du coup, bah, peut-être qu'on aura une année sympa dans le sens où bah, ce sera vraiment peut-être le bouche-à-oreille qui va faire que tel ou tel film va fonctionner. Alors, rapidement... Des attentes pour vous ? Ouais, c'est ça que tu voulais dire, Geoffrey, non ? Non, parce que, bon, il y a eu quelques annonces déjà au niveau des gros studios, dont celle qui a fait le plus de polémique, à mon avis, c'est HBO Max qui va sortir tous ses films, c'est la Warner qui va sortir tous ses films sur HBO Max et au cinéma en même temps. Honnêtement, c'est la fin du cinéma. Déjà qu'on voit Disney qui a commencé tout ça, ça s'annonce mal. Bah, je pense qu'on pourrait faire un podcast entièrement là-dessus. Donc moi, je dirais juste que clairement, de toute façon, cette année, elle a... Par le Covid et les confinements dans les divers pays, elle a mis l'accent sur quelque chose qui était déjà en place, à savoir que les gens consomment maintenant le cinéma chez eux ou sur leur téléphone ou leur tablette. Et ça l'a encore, ça a encore plus montré ça. Ça a montré aussi que le cinéma, mine de rien, ça coûte très cher. Vraiment très cher. Quand t'es pas abonné, quand t'es abonné, c'est 20 balles par mois. Là, pour le coup, je trouve que c'est pas cher puisque tu peux aller voir ce que tu veux. Mais une place, moi, on en avait déjà discuté dans un précédent podcast. Je vais pas m'attarder dessus, mais tu invites un pote avec toi qui a pas la carte, c'est 12,50 € pour lui, quoi. Et 12,50 €, tu te payes non seulement un abonnement Netflix, mais en plus un abonnement Disney+, quoi. Donc, Bah écoute, j'ai noté comme sujet pour 2021, la fin du cinéma. Je pense qu'on le développera comme ça. Ouais, ok, ça me va, on en reparlera. Et du coup, de ton côté, Dorothy, comment attends-tu cette année 2021 ? Bah, y a plein de films que je voulais voir cette année qui ont été reportés. Que du coup, je pense que dès que les cinémas vont réouvrir, je vais faire comme début, je vais y aller une fois par semaine. Parce que j'ai vraiment envie de me refaire un cinéma, j'aime ça et j'ai pas pu quasiment pas en faire cette année. Je suis un peu dégoûté et donc ouais, il y a plein de films qui me plaisent et pour en citer quelques-uns, il y a Kingsman, il y a James Bond, il y a Kaamelott, il y a OSS qui va sortir. Je vais épurer le cinéma, quoi. Ça leur fera pas de mal. C'est pas faux. Et sur ce, je propose qu'on attaque la dernière partie de cette émission, les jeux vidéo. Et là, ouais. Je sais que j'ai deux personnes sur les starting blocks. Alors, avant de rentrer dans les détails, mais vraiment avant de rentrer dans les détails, 2020, bon ou mauvais cru ? Très bon cru. Bon, très bon cru, mec. Attends. Très bon cru. Non, ça, c'est bon, ça suffit. Je savais que vous alliez dire ça. De mon côté, j'ai envie de vous dire très bon cru également. Et pourtant, je consomme pas forcément énormément de jeux vidéo. Et c'est parti, vous pouvez développer. Allez, Baptiste, commence. Je crois que je vais aller très vite. Enfin, très vite, oui, non, parce que j'ai sorti les jeux qui m'ont dit « Ah putain, c'est vrai que cette année, c'était une bonne année de jeux vidéo et je crois que j'en ai une quinzaine. » Donc on va aller au plus vite. Il y a du très très lourd en sortie cette année quand même. On a eu quand même Valorant, le nouveau jeu de Riot Games. Vous y avez joué, vous connaissez? Ouais, j'y ai joué, mais c'est pas ma cam. Je veux dire, j'ai tellement saigné Overwatch. Enfin, j'ai plus la patience pour les jeux compétitifs en fait. Ah, moi non plus. C'est juste que pour moi, enfin, visuellement et tout, c'était vraiment cool. J'ai pareil, moi, le PVP, j'en peux plus. Je suis team PVE. Mais ouais, non, du coup, quand même, belle surprise. Belle surprise. On a eu Ori and the Blind Forest, Ori and the Wild, Wind of the Whips, en jeu indépendant, qui était vraiment, vraiment, vraiment cool pour ceux qui avaient fait le premier, le premier, la suite. Il y a eu Ghost of Tsushima, qui est visuellement incroyable. Et l'histoire est prenante, c'est vraiment bête de jeu, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas joué. On a eu du Final Fantasy VII Remake que j'attendais avec impatience. Mais j'ai un petit peu déçu, hein. Ouais. Visuellement, c'était beau, il n'y avait rien à dire, mais le gameplay et les modifications de l'histoire par rapport à l'original. En vrai, je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu parce que j'allais en parler. Comme ça évitera d'en reparler. Mais alors moi aussi, je l'attendais vraiment énormément, mais je l'attendais avec une grande peur parce que le problème épisodique, ce qui est devenu Square Enix depuis 10 ans, me fait que je déteste leur système économique et leur système de jeu. Là-dessus, j'ai été plutôt rassuré puisqu'on n'a pas eu de DLC, de contenu à la con, de trucs bidules. Par contre, je veux pas spoil, mais la fin, elle est chaotique. Enfin, elle est n'importe quoi. La fin, c'est du Kingdom Hearts. C'est le mec qui a fait Kingdom Hearts. Donc, c'est beaucoup trop japonais. C'est beaucoup trop japonais. Et j'irais même au-delà de ça, c'est beaucoup trop méta. Dans le sens où ça se fait trop référence à lui-même et à un pseudo multivers. Enfin voilà, j'ai pas du tout aimé la fin. J'ai adoré le jeu jusque là où il aurait dû se finir en fait, c'est-à-dire au moment où t'arrives au bout du pont de cette fameuse autoroute en construction. Voilà. Et alors si l'autre truc qui m'a arraché littéralement les oreilles, c'est la BO. Parce que autant les sons originaux remixés, enfin remasterisés, réadaptés en orchestral et tout sont juste magnifiques et méga efficaces, autant toute l'espèce de deep pop niaise qu'ils te balancent, en gros toutes les sons que t'as le droit, dont tu as le droit depuis Final Fantasy XIII là, qui sont juste hideux, ils t'en balancent beaucoup trop et ça m'a gâché le jeu aussi. Ouais, clairement, j'allais dire la bande son est chaotique et c'est. Voilà. Donc je pense que voilà, je ne dirai rien de plus sur FF7. À part que j'espère que la fin arrivera plus vite que la suite arrivera plus vite que celui-là quoi. Ouais. Du coup après il y a eu Hades en jeu indépendant qui est vraiment incroyable aussi si vous l'avez pas fait. C'est l'histoire du fils de d'Hades qui veut sortir des enfers et c'est un roguelike sur. Il est sur Nintendo Switch PC. Voilà, donc un peu style hack and slash. Parle un peu plus près du micro, j'ai l'impression qu'on te perd un peu. Pardon, ouais. Désolé. Du coup, je disais, disponible sur Nintendo Switch PC et Mac, un roguelike et hack and slash. Visuellement, ça fait le taf, c'est beau, c'est fluide et l'histoire est vraiment prenante. Faut aimer ce style de jeu, mais ça va, boss, ça fait le taf, mais de fou. Si vous l'avez pas fait, je crois qu'il a eu pas mal de prix cette année. En jeu indépendant, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si vous avez regardé les Game Awards, les gars. Vite fait, mais oui. Ouais. Ouais, et après, petite surprise aussi où je me suis laissé prendre quand j'étais chez ma copine, Animal Crossing New Horizons. Ah, j'allais vous parler. Le jeu du confinement, mais ça, je le laissais à Jeff. Ouais, dis Jeff, je te le laisse dans ce cas. Et mon petit plaisir du début d'année, c'était Dragon Ball Z Kakarot. Ah, d'accord. Gros fan de DBZ, un jeu qui reprend toute l'histoire, forcément, ça fait le taf. Et, enfin, c'est un bon jeu DBZ, hein, vraiment, pour ceux qui sont fans de la saga et qui ont envie de se faire un bon jeu DBZ, en dehors que du full combat, un peu RPG. C'était vraiment, vraiment cool. Et ouais, pour moi, ça sera tout en jeu vidéo. L'explosion du jeu sorti en 2018 Among Us. Ouais. Que je saigne énormément depuis 3 mois, je crois, hein, avec mes potes. Bon, ça, c'est, il y a autant de sel que de fun, mais c'est vraiment cool. Ouais, bah, mais pareil, on peut en parler vite fait. On en avait parlé pour le podcast spécial Halloween, parce que moi, je l'avais listé dans les jeux à faire pour le soir d'Halloween avec des potes, Halloween confiné. Et Among Us, typiquement, c'est vraiment le party game, jeu loup-garou à faire entre potes, vraiment trop, trop bien. Nous, je sais que, puisque j'ai une chaîne de stream sur Twitch, les Arbros, je sais qu'on a fait pas mal de sessions avec des potes à 10 là-dessus, et ça marche toujours très, très bien, ces jeux-là. Quoi. On t'attend toujours, Geoffrey. Oui, mais après, je vais vous laisser terminer. Il n'y a pas, de problème. Non, mais on t'attend toujours sur Among Us. Ah, oui, pardon. Oui, j'étais pas mal occupé. J'espère que ça va se calmer sur les prochains jours. Et moi, j'ai fait le tour pour mes jeux. Du coup, je te laisse Nebu. Ouais, alors moi, les gars, bon, vous savez, les jeux vidéo, c'est ma spécialité. Donc, cette année, j'en ai bouffé. J'en ai fait vraiment beaucoup. Attends, on va essayer de te limiter à 5 jeux. Non, c'est pas possible. D'ici, j'en ai déjà dit quelques-uns quand même, attends. Ouais, non, t'en as déjà dit quelques-uns. Bon, alors dans le désordre, vite fait. Déjà, je voudrais dire une première chose, c'est que cette année, pour moi, ça marque un tournant, je pense, dans l'industrie du jeu vidéo, de comment est-ce que l'industrie du jeu vidéo et le jeu vidéo va se faire, ne serait-ce que par le Microsoft Game Pass. Pour moi, c'est le début d'une révolution du jeu vidéo, puisque c'est un système Netflix, mais pour les jeux vidéo. En gros, le Microsoft Game Pass, tu payes un abonnement, et en fonction des arrivages, on va dire, tu as accès à tout un catalogue de jeux que tu peux installer, jouer, acheter si tu veux les garder définitivement, puisque au gré des envies de Microsoft, le jeu peut être retiré, ou des partenariats, ou des machins. Donc le jeu, si tu ne l'achètes pas, tu ne l'as pas définitivement. Ça te permet d'avoir accès à un catalogue gigantesque de jeux vidéo pour 20 balles par mois, même pas. Et je pense que à la longue, ça va devenir la norme, en vrai. Parce qu'il va y avoir, là, sur le PlayStation 5, il y a le PlayStation Now, qui va faire exactement la même chose. Epic Games va certainement s'y mettre, déjà qu'ils offrent pas mal de jeux. Donc, je pense que là-dessus, sans parler de jeux particuliers, je pense que l'industrie du jeu vidéo est en train de vraiment passer un cap cette année, puisqu'on va avoir de plus en plus de, pas forcément du cloud gaming, mais du jeu à la carte. Quand on voit que les jeux ils coûtent 80 balles sur PS5, que même dématérialisé, un jeu ça coûte entre 40 et 60 euros, je parle des AAA bien sûr. Si tu les achètes en démat sur PlayStation, enfin sur console, t'en as pour 70 boules quand même. Ça devient même moins cher d'aller l'acheter à Carrefour que de l'acheter en dématérialisé. Donc je pense que là-dessus, cette année marque un vrai tournant. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, je sais qu'on en a beaucoup parlé avec Jeff. Mais pour moi, cette année-là, le Microsoft Game Pass a vraiment tapé très fort et va créer une norme, en fait. Alors, je suis à peu près d'accord avec toi. Et même moi, je l'ai arrêté, mais je l'avais pris. Moi aussi, moi. Et j'avais bien kiffé de pouvoir jouer à tous ces jeux vidéo. Tu en as tellement que tu dis, allez, je télécharge. Et t'en profites un max. C'est vraiment une très bonne innovation et un très moyen pour jouer. Et alors, on parle beaucoup de jeux vidéo, mais en 2020, on a oublié quelque chose. L'arrivée des deux nouvelles consoles, la PS5 et la Xbox Series X. Ouais, mais bon, je pense que ça, il vaudra mieux en parler l'année prochaine, parce qu'elles sont sorties juste pour les fêtes et elles sont en rupture, tu peux pas y attends, jouer. Attends. J'ai pas terminé et en fait là où Microsoft a fait très fort, c'est de proposer un système de crédit pour s'acheter la série X ou la série S qui s'appelle le All Access avec l'abonnement Gold et un accès également au système de d'abonnement à Xbox et ça m'a fait vraiment hésiter à prendre la Xbox et pourtant je ne suis pas du tout Xbox et c'est quelque chose que là on peut dire que vraiment Microsoft a fait très très fort. Ouais, Ouais, vraiment. Et c'est en ça que je voulais parler des nouvelles consoles. D'accord. Bon, alors du coup, jeux vidéo. Le confinement a fait que j'ai passé encore plus de temps que je passe d'habitude sur les jeux vidéo. Je vais pas parler tout de suite, avant de parler de nouveaux jeux, je vais parler d'un jeu qui est vieux, mais qui cette année vraiment est devenu un jeu excellent, c'est No Man's Sky. Il est sorti il y a 4 ans, si je dis pas de conneries, 4 ans et demi. Il était vraiment très très naze à sa sortie, hein. J'ai été tellement déçu par ce jeu, et aujourd'hui c'est devenu un bijou. Il est magnifique en termes de contenu de jeu, bah il est juste génial. Tout est gratuit, c'est-à-dire que t'achètes le jeu et t'as accès à tout. Il y a pas de microtransactions, il y a pas de DLC et c'est ultra riche. Enfin c'est ultra riche. Tu te balades dans la galaxie gérée aléatoirement. Tu découvres des planètes, tu construis des vaisseaux, t'achètes des vaisseaux, tu construis des bases, sous-marines, Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, ce jeu-là a été un des jeux qui m'a fait mon premier confinement de l'année, No Man's Sky, puisqu'il a été vraiment super bien mis à jour et il continue d'être à jour encore aujourd'hui. Dans les jeux du confinement aussi, je rajoute Fallout 76, qui m'a fait aussi tout mon mois d'avril avec nouveau DLC. Il a 2 ans, le jeu, maintenant. Mais bon, bah, quand vous êtes fan de l'univers Fallout, je trouve qu'il est toujours efficace. Par contre, bah, il est blindé de bugs, il est blindé de microtransactions et il a tendance à être, délaissé par Bethesda. Enfin, pas délaissé, mais on a vraiment l'impression que les développeurs ne jouent pas à leur jeu. Mais étant donné, et ça on en avait parlé plus tôt dans l'année, que Microsoft, une nouvelle fois, c'est encore eux, ont racheté Bethesda, je pense que ça va être de bon augure pour la suite de Fallout 76 et des licences Fallout et Elder Scrolls. Bon, ça c'était pour les jeux. Alors, moi, mon année, elle a été quand même marquée par l'attente et la sortie de l'extension de World of Warcraft, Shadowlands. J'ai vu que tu parlais de ça quand tu disais vieux jeu tout à l'heure. Voilà, alors donc ça, il a 15 ans, mais bon, Shadowlands est sorti il y a un mois. Je ne vais pas épiloguer dessus. Si vous voulez en voir, vous venez sur la chaîne Twitch des Arbros. On stream à fond du WoW parce que c'est vraiment le jeu de ma vie. Hein. S'il devait y avoir qu'un jeu dans ma vie, ce serait celui-là. Donc, je ne vais pas revenir. Donc, c'est pour ça que cette année 2020 est pour moi incontournable puisque c'est l'année d'une nouvelle extension de WoW. Mais bon, il y a eu quand même d'autres jeux. Alors, je vais parler vite fait de Last of Us Part 2. J'ai adoré le détester, ce jeu. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a un parti pris de te faire faire des choses que tu ne veux pas faire dans ce jeu. Tu as plein de situations où tu dis mais non, je veux pas faire ça, vas-y, casse-toi. Et tu le fais quand même. Ça a été très douloureux, ce jeu, vraiment, pour moi. Je l'ai aimé autant que je l'ai détesté. La polémique actuellement sur le fait que qu'il ait eu les Games Awards de cette année... Je rentrerai pas là-dedans, mais effectivement, je pense que c'est un petit peu trop surestimé de ma part. Il méritait pas d'être le meilleur jeu de l'année. Mais narrativement, quand même, il se pose comme une grosse claque. Hein. Je sais pas si vous les avez fait. Non, je crois que vous n'êtes pas sur PS4. Hein. Aussi, je suis sur la PS4, mais après... j'ai fait ni le 1 ni le 2. Alors voilà, moi lui il a ni l'un ni le deux. J'ai le 1 que j'ai torché, que j'ai kiffé, mais j'ai toujours pas pris le 2. Je pense que je vais attendre un peu. Ok. Bon, alors j'ai joué à plein d'autres trucs cette année. On a dit Among Us, Phasmophobia aussi, un petit jeu sympa d'horreur qui se joue à 4 où tu joues des chasseurs de fantômes. Tu te retrouves dans une espèce de décor, ça peut être une maison, ça peut être un asile abandonné, ça peut être une école abandonnée, ce genre de choses. Et tu es dans le noir tu dois mener l'enquête pour trouver le fantôme, savoir quel type de fantôme tu as à faire, communiquer éventuellement avec lui. C'est très drôle, c'est très drôle. Non, c'est très drôle quand tu joues avec des gens qui sont des flippettes, parce que bah il y a beaucoup de ce qu'on pourrait, enfin l'ambiance est super oppressante et tu peux très bien t'amuser avec tes potes. Donc bonne surprise. C'est un jeu VR et cette année niveau VR, on a eu la sortie aussi de Half-Life Alyx. Alors toujours pas la suite de Half-Life, mais un nouveau jeu dans l'univers de Half-Life en VR et il est juste ouf. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en VR, hein, vraiment. En termes de prise en main, de réalisme, de sensations, de minigame. Enfin voilà, si vous voulez vous mettre à la VR, il faut absolument passer par Half-Life Alyx, puisque c'est juste ouf. Hein. Qu'est-ce qu'on rajoute dans la liste ? T'as parlé de Ghost of Tsushima. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire, c'est sûr. Mais vu qu'il y a eu tellement de jeux cette année que bah, celui-là, je suis un petit peu passé à côté, on va dire. Celui à côté duquel je ne suis pas passé, c'est forcément Assassin's Creed Valhalla, parce que je suis un grand fan de la série Assassin's Creed. Il est sorti, malheureusement pour lui, 2 semaines avant WoW, ce qui fait que je ne l'ai pas fini encore. Moi, je ne l'ai pas fini, mais c'est à cause des bugs. Ouais, voilà. Alors, bon, bah, c'est un Assassin's Creed, hein, il est toujours très bien, mais il est toujours très buggé. Hein, ça... Ouais, du coup, ça fait 2 semaines que je n'ai pas touché parce qu'il y a un bug dans la campagne principale qui est en train de m'énerver chaque fois que je le joue. Donc, Alors, il y a eu des grosses, quoi. Il y a eu un gros patch cette semaine. Hein, ouais, donc... pour ça, j'attendais le patch en fait pour reprendre voilà. Parce que. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait noter aussi on pourrait noter. Cyberpunk en parlant de patch. Alors, j'allais parler de Cyberpunk à la toute fin, puisque celui-là, étant donné que bah, je suis à fond sur vous, bah, Cyberpunk est en dehors de mes radars pour l'instant, mais je l'attendais avec grande impatience, mais je ne le ferai que quand tout ce que j'ai à faire dans WoW se sera tassé. Donc, ce sera très certainement février de l'année prochaine. Hein. Ça attendra. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas grave. Et puis, au moins, il sera débugué, tu vois, enfin... Il sera foncé. Voilà, sur quoi. Ordi, apparemment, ça va. C'est plus sur les ouais, en fait, sur ordi, si t'as un ordi à 2000 boules, quoi. Hein. Moi, perso, j'ai pas. J'ai ma carte graphique à 2 ans quand même. Hein, donc, on verra bien. Quoi. Oui, c'est ça. Après, ça dépend. Apparemment, c'est soit t'es full bug, soit t'as pas de bug, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, il y a plein d'autres jeux qui sont sortis. Hein, mais pareil, soit je les ai pas faits, soit, bon, ça sert pas à grand chose d'en parler. Mais une bonne année 2020. Ouais. Pour ma part, je vais pas parler de plus hein, parce que à chaque fois on s'étale, mais voilà. Donc je te laisse la main, Jeff. Alors, c'est vrai que le confinement m'a permis de regoûter aux jeux vidéo et c'est quelque chose que j'avais bien kiffé. J'ai racheté beaucoup de jeux, mais qui étaient déjà sortis l'année dernière ou il y a 2 ans parce que je les avais pas achetés à ce moment-là et que sur le PS Plus il y avait d'énormes réductions, donc c'est pour ça que j'avais craqué et compagnie. Mais en jeu vidéo qui est sorti cette année, je vais quand même l'évoquer, même si je reviendrai plus en détail dans un autre podcast. C'est Star Wars Squadron. Alors j'ai fait exprès de pas en parler. voilà, non, mais je savais que. Alors toi, t'as pas du tout kiffé. Toi, t'as pas kiffé du tout. Franchement, non. Et alors, je vais te dire, on en reparlera, mais j'ai tellement pas kiffé qu'en fait. Ça m'a donné envie de jouer à Battlefront 2 que je n'avais pas acheté et du coup j'ai acheté Battlefront 2 au gré d'une promo à 15 balles et franchement les meilleures 15 balles que j'ai dépensées cette année quoi. Bah, attends, on en parlera vraiment dans un autre podcast voilà, mais voilà après voilà, c'est du Star Wars, moi j'ai pas de connexion chez moi, je joue pas pour jouer en ligne. Je fais juste l'histoire principale. C'est con parce que c'est quand même. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est le but principal du jeu. Quoi. Ouais, mais non. Après, tu vois, je suis un vrai fan et je me dis que connaître l'histoire principale, c'est pas mal. Surtout quand tu regardes un épisode du Mandalorian et qui te parle de l'opération Cendre. Grâce à ce genre d'achat à la con, je sais ce que c'était. Ça part. Oui, voilà. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est vraiment l'achat fan. C'est pas par grande conviction. Fallen Order était bien meilleur, mais voilà, on n'est pas là pour parler. Non, on a dit qu'on n'avait pas le droit de parler de Star Wars sur ce podcast. Et c'est compliqué quand même. Hein. Oui. Donc, en jeu vidéo, j'ai vu ma femme jouer sur Animal Crossing. Je l'ai essayé, j'ai pas forcément adhéré. Pourtant, j'aime bien les jeux de gestion un peu à la con comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma femme n'est pas forcément jeu vidéo. Et elle a pas passé, il me semble, plus de 220 heures dessus, ce qui représente quasiment 10 jours de jeu. Pas mal. Et c'est pas mal. Franchement, c'est à noter. Pas mal, tiens, c'est quand même. Donc voilà. En jeu, ben j'ai découvert tardivement, mais bon, c'est des jeux un peu PVP que vous n'êtes pas forcément fan, c'est Fortnite. Je me suis mis tardivement, mais voilà. Voilà. Eh ben dis donc. Ouais, je sais. Voilà. Mais t'as pas internet si tu joues à Fortnite. J'avoue, enfin, ouais. Mais ouais. Ça passe. Ouais. Bon, de temps en temps, j'ai une mauvaise connexion, il me le met, mais ça va, j'arrive à faire des victoires avec ma femme. Ouais, mais dis donc. Et ouais. Et bon, j'aime bien le principe des saisons, que ça change de temps en temps. J'ai pas fait la saison spéciale Marvel, mais par contre, vu qu'ils ont lancé une nouvelle saison avec Mando, et au niveau son, tu peux avoir un gros goût qui te suit partout. J'ai craqué, j'ai pris le season pass et je vais le torcher pour avoir un gros goût qui me suit partout. Et Yoda. T'es obligé. J'allais dire, t'as joué à Fortnite parce qu'il y avait un truc Star Wars. Oui. Mais c'est pas la première saison que je découvre. Je l'ai découvert un peu avant. C'était ma femme qui voulait s'y mettre. J'essayais. Puis après, on s'y est mis à jouer à deux. Ouais. Bon, moi, j'épiloguerai pas sur Fortnite. Je l'ai poncé, le jeu. J'y ai joué dès qu'il est sorti. Et pendant un an, j'ai fait que ça. Et voilà. C'est une des raisons qui fait que je n'aime plus les jeux compétitifs, en fait. D'accord. Et après, bon, ben, WoW, j'ai pas pris encore l'extension. Je pense que je vais la prendre prochainement. J'attends juste pour attendre un peu pour voir professionnellement parlant comment ça va avancer. Et le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Football Manager 2021 qui, où j'ai pas tant que jouer que ça. Merci les parties jeux de rôle sur Roll20. Mais voilà, je crois que j'ai joué sur une grosse journée. Allez, un petit week-end et j'ai déjà 14 heures de jeu. Donc ça va assez D'accord. vite. Et en dernier jeu que je voulais citer, c'est pas vraiment un jeu, je vais me faire frapper par mon grand-père. Ce serait plutôt une simulation et c'est le Flat Simulator. Ça avait disparu des radars pendant des années. Plus personne n'en a entendu parler. Bravo. Et ils en ont ressorti. Graphiquement, c'est une tuerie. Au niveau du PC, bon, certes, quand on a un PC de gamer, ça va un peu mieux. Et il faut vraiment un joystick pour y jouer, pour piloter. Ça, ouais. J'ai essayé avec la manette de PS4. C'est pas top. Non, c'est impossible. Et puis au clavier, c'est impossible. Moi, j'ai dû ressortir mon X52. Mais bon, mon PC, il souffre trop sur ce jeu-là. Quoi. Beaucoup trop gourmand. Le mien, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un autre jeu dont j'ai pas parlé et j'ai quand même passé plus de 200 heures cette année dessus. C'est Crusader Kings 3. Ouais, ah putain, c'est... oui, c'est vrai, je l'ai oublié lui aussi. Ça, c'est vraiment. J'adore les jeux Paradox Interactive, c'est des gros jeux de simulation, de stratégie. Crusader Kings, c'est. Tu rajoutes une dimension RPG vraiment excellente. Narrative aussi et voilà, donc ça a été un aussi de mes jeux de l'année, vraiment Crusader Kings, que j'adore, voilà, j'adore, mais j'adore tous leurs jeux, donc ça compte pas. Petit, moi aussi j'ai oublié parce que je voulais pas interrompre, Baldur's Gate 3 qui est sorti en Early Access. Ouais, mais il est pas vraiment sorti. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas vraiment sorti. On en parlera l'année prochaine. Et voilà. Bon, ben, pour 2021, vous savez comment ça va se passer ou pas du tout au niveau des news, des grosses sorties et tout ça? Moi, de mon côté, je me suis pas vraiment renseigné dans le sens où, comment dire, là déjà, la fin de l'année, elle est vraiment chargée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fini Valhalla, j'ai pas commencé Cyberpunk, j'ai Ghost of Tsushima à faire. Donc en vrai, je me suis pas renseigné de savoir qu'est-ce qui allait sortir l'année prochaine. Donc je n'ai pas spécialement d'attente, mais je sais que dans tous les cas, je vais beaucoup jouer. Ouais, moi aussi, j'ai énormément de jeux à faire. Baldur's Gate 3 quand il sortira, il y a le nouveau jeu dans l'univers de Warhammer. Warhammer 40 000 qui va sortir un peu comme Vermintide, que j'ai vraiment kiffé avec des potes, jouer en groupe de 4, un peu la Left 4 Dead, mais du coup univers Warhammer 40 000. Et là, j'étais en train de télécharger les Witcher, donc je pense que je vais être très très occupé. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la pop culture. De manière générale, 2020, bonne ou mauvaise année, et profitez pour dire le mot de la fin. Très bonne année pour moi et j'espère que 2021 sera encore mieux ou aussi bien. Moi, je dirais que effectivement l'année 2020, dans ce qu'on a parlé aujourd'hui, était plutôt intéressante. Nous a malheureusement donné le temps d'en profiter. Et en mot de la fin, on verra 2021 ce que nous réserve, mais je pense que déjà on a plein de choses à rattraper de cette année, que ce soit cinéma, série ou jeux vidéo, donc ça sera bien rempli quoi qu'il arrive. Eh bien, c'est à peu près tout ce que je vais dire également. Je pense que 2020, c'est une bonne année. En tout cas, sur ce que j'ai pu voir en série et en jeu vidéo. En film, j'essaye de me faire des séances de rattrapage sur Canal quand les films sortent. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai que 2021, que ça soit série, film, ça s'annonce très savoureux. Et voilà. Sur ce... Et on va clôturer cette émission. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée et puis de très bonnes fêtes de fin d'année parce que officiellement c'est le dernier épisode. Mais je tease, il y aura peut-être 2 épisodes bonus d'ici début 2021. Et voilà, sur ce, c'est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois une bonne journée. Un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Je sais que ça va être compliqué, mais passez de bonnes fêtes. Bonne fête à tous. Faites-en comme vous pouvez. Vous pouvez.